Chapitre 45e. Le lendemain, Baccara, ressuscité, se trouvait rue Moncey, complètement installé. Madame Charmet avait entièrement disparu. Restait la folle créature d'autrefois. En quelques heures, et comme par enchantement, elle avait monté sa maison, fait appeler ses anciens fournisseurs et l'architecte qui avait construit le petit hôtel il y avait quelques années. La petite juive était dans le ravissement. Elle n'avait jamais rêvé de pareille magnificence et de tels éblouissements. L'hôtel de Baccara lui semblait être un palais de fées. Au temps où Baccara vivait dans un certain monde, elle avait beaucoup d'amis. Dès le matin de ce jour, elle s'était donc empressée d'écrire à Madame de Saint-Alphonse. Qu'était-ce que Madame de Saint-Alphonse ? Une jolie pécheresse, brune comme une espagnole, au pied de laquelle un prince russe sérieux avait mis son cœur et sa fortune. Madame de Saint-Alphonse était née, rue Saint-Lazare, de l'union d'un concierge avec une danseuse de l'opéra, et avait été baptisée sous le nom d'Alphonsine. Elle s'était octroyée à elle-même, vers sa 23e année, une particule nobiliaire, et tenait un assez beau train de maison. Une vieille actrice, sa tante, tenait sa maison et l'avait de bonne heure formée aux belles manières. La jolie et mignonne Madame de Saint-Alphonse posait assez gentiment et savait faire une révérence comme au théâtre français. Elle donnait des raouts, avait une ravissante paire de chevaux gris pommelés, faisait jouer chez elle un jeu d'enfer, et était devenue célèbre par la passion chevaleresque et folle qu'elle avait su inspirer à Paul Sternet, un grand peintre de l'époque. Paul Sternet s'était brûlé la cervelle à moitié dans un accès de désespoir, c'est-à-dire qu'il s'était défiguré sans se tuer. Ce tragique événement avait achevé de mettre Madame de Saint-Alphonse à la mode. À l'époque où Baccara, non repenti encore, brillait de tout son éclat, elle s'était liée assez intimement avec Madame de Saint-Alphonse et avait su conquérir un véritable ascendant moral sur elle, bien que cette dernière fût plus âgée qu'elle de 3 ou 4 ans. Or, pour des motifs que nous expliquerons plus tard, Madame Charmet, redevenue Baccara, avait écrit à son ancienne amie la lettre suivante. « Ma chère Brune, les morts vont vite, mais ils reviennent. C'est-à-dire qu'on les voit ressusciter parfois. Je ne sais pas si tu te souviens encore de Baccara, ton ami de la rue Moncey, qui maniait si bien le jeu dont elle portait le nom. Eh bien, un beau jour, en pleine gloire, en plein succès, la Baccara de ton cœur disparut. Personne ne put dire ce qu'elle était devenue. Hôtel, chevaux, garde-robe, bijoux, tout fut vendu. Était-elle morte? Avait-elle épousé un pacha égyptien? L'empereur de la Chine lui avait-elle fait un sort? S'était-elle enterrée en province avec un petit jeune homme blond et sans le sou? Ou bien avait-elle passé le détroit pour aller épouser un lord écossais? Ce fut un mystère. Ce mystère, ma chère amie, ni toi ni d'autres ne pourraient jamais le sonder. Mais la vérité vraie, la voici. Hier soir, on a vu revenir Baccara. Elle s'est installée de nouveau rue Moncey. On l'a vue arriver aussi jeune, aussi belle, aussi folle que par le passé. Et elle t'attend aujourd'hui, à 2 heures précises, pour aller faire un tour au bois, où elle veut se montrer et retrouver ses amis. Sois exact. Feu, Baccara. Et Madame Charmet fondit en larmes. « Oh, mon Dieu » murmura-t-elle, « il faut bien aimer Fernand. Il faut bien haïr ce monstre de Sir Williams pour se résigner à un pareil rôle. Mon Dieu, pardonnez-moi. » Une heure après, Madame Charmet ne pleurait plus. Baccara, souriante, plus belle que jamais, lorgnait d'un œil de connaisseur un joli landau bleu de ciel, attelé de 2 alezans anglais, piaffé dans la cour de son hôtel, et rongeaient impatiemment leurs freins. Le landau, les chevaux, le cocher, tout cela acheté et retenu le matin, venait d'arriver. « Madame, ma belle dame, murmura la petite juive, est-ce que je vais monter dans ce beau carrosse ?»« Pas aujourd'hui, mon enfant, répondit Baccara, mais demain. » 2 heures sonnaient. Un coupé bas, traîné par un cheval bébrun, s'arrêta à la grille. Madame de Saint-Alphonse en descendit. Baccara courut à sa rencontre et lui dit « Envoie donc ta voiture !» La voiture envoyée, la brune pécheresse regarda sa blonde amie avec stupéfaction. « Ah ça, ma chère » dit-elle, « est-ce toi? Est-ce ton ombre ?»« C'est au choix, » dit Baccara, « moi ou mon ombre, comme tu voudras. » Et Baccara, chez qui la retraite et une vie calme avaient en dépit de la douleur développé un léger embonpoint, se cambra et fit valoir la richesse de sa taille élégante et souple en illuminant d'un sourire son beau visage. « Je rêve, » murmurait la sainte Alphonse. « Enfin, d'où sors-tu ? Viens assister à ma toilette. » La petite juive la suivait. « Sarah, mon enfant, » dit Baccarat, « veux-tu aller jouer au jardin ?»« Oui, madame. »« Qu'est-ce que cet enfant ?» demanda Madame sainte Alphonse, tandis que Sarah s'en allait. « C'est la suite d'un mystère. » Et Baccarat, poussant un frais éclat de rire, fit entrer son ancienne amie dans son cabinet de toilette. La femme de chambre était sous les armes, attendant sa nouvelle maîtresse. Baccarat la renvoya. « Tu m'ajusteras bien, j'imagine, » dit-elle en riant, « toi qui étais femme de chambre. »« Oui, certes, » répondit la sainte Alphonse, qui ne trouva point l'épigramme de son goût, mais eut l'esprit de sourire. Alors Baccarat ferma la porte, sur laquelle elle fit glisser une lourde draperie pour intercepter tout bruit extérieur. Puis elle s'habilla en causant et se servant sans scrupule des bons soins de son ancienne amie. « Ah » dit-elle de ce ton léger et moqueur qu'elle avait autrefois, « tu as cru que Baccarat était morte ? Parole d'honneur, je l'ai cru. Eh bien, je ressuscite. D'où viens-tu ? Des antipodes de Chine. Allons donc. Je veux dire des environs du Panthéon, ce qui est la même chose. Bah. Oui, ma chère. Tu vivais au quartier latin. J'ai vécu 4 ans. Et tu aimais ? Comme une bête. Oh, femme forte, ricana la sainte Alphonse. Mais fini, c'est fini. Tu n'aimes plus ? Plutôt la mort. Et tu songes à l'avenir ? Ma petite, dit Baccarat avec gravité, j'ai 60 000 livres de rente que m'a laissé le baron de Haut. Crème de baron, fit sainte Alphonse avec enthousiasme. Le dernier des barons, murmura Baccarat avec un soupir. « Et l'autre ? Qui l'autre ? Monsieur X ?» dit la brune pécheresse en riant. « Mort, ma chère. Suicidé ? Non, il est marié. Pauvre fille. » « Aussi, par la dame de pique, » s'écria Baccarat, « je ressuscite. » « Sais-tu qu'avec tes 60 000 livres de rente, tu peux te faire un paradis ? Je le sais. Devenir une femme sérieuse ? Je le saurai. » On frappa discrètement à la porte. « Entrez, » dit Baccarat. C'était la femme de chambre. « Madame, » dit-elle, « il y a un vieux monsieur qui a un drôle d'air et qui demande à parler à madame. » Et la camériste tendit une carte. Baccarat y jeta les yeux et lut « André Tissot, teneur de livres. » C'était le nom que le vicomte André avait pris dans la maison de commerce où il était, quelques jours auparavant, humble commis à 1500 francs. « Ah !» pensa Baccarat, « je crois que Dieu est pour moi. » Et il dit « faites entrer dans mon boudoir et priez d'attendre. » Le boudoir de Baccarat était séparé du cabinet de toilette par un mur assez épais et une porte qui fermait hermétiquement. Il était impossible, quand cette porte était close et recouverte d'une double portière, que du boudoir on entendît ce qui se faisait ou se disait dans le cabinet de toilette. Mais Baccarat se souvenait parfaitement qu'en ouvrant un placard pratiqué dans l'épaisseur du mur et dont le fond était en briques sur champ, qu'on nous passe ce terme de maçonnerie, on pouvait entendre fort distinctement tout ce qui se passait dans le cabinet, fût-on assis à l'extrémité du boudoir. Ce placard était l'invention de Baccarat. Elle l'avait fait faire, il avait 5 ans, à l'époque où, fort jalouse du baron d'Eau, elle se plaisait à surprendre ses causeries intimes avec quelques amis qui, comme lui, l'attendaient au boudoir. Monsieur André Tissot, dans cette dernière pièce, Baccarat ouvrit le placard et chercha un objet de toilette qu'elle ne trouva point. Ensuite, elle oublia de le fermer. Puis elle reprit sa conversation légère avec son ami. Elle était bien certaine que le vicomte Andrea n'en perdrait pas un mot. « Oui, disait-elle, je jette décidément mon froc aux orties, je redeviens Baccarat comme devant. Tu as raison, ma chère. Si d'ici à 8 jours je n'ai pas tourné 8 ou 10 boules, j'y veux perdre mon nom. Tu ne le perdras pas, » dit froidement la jeune femme. « En plein un temps, » continua Baccarat en riant aux éclats, un temps de bois de boulogne et d'amusement. Si je ne vois pas tout mon monde aujourd'hui, c'est que je n'aurai pas de chance. » Et Baccarat ajouta d'un ton plus confidentiel. « Voyons, tu vas bien me mettre un peu au courant, n'est-ce pas ? Sans doute. Que se passe-t-il dans notre monde ? Une femme qui revient du carrefour de l'Odéon ne sait plus rien, en vérité. Tu sais que Bellefontaine est morte. Bah, d'amour ? Non, de la poitrine. » Baccarat laissa échapper à un grand éclat de rire. Arthur Cambrai s'est marié. Allons donc. Et marié en province. Bon, un homme à la mer. Georgette a fait une fin. Georgette du Vaudeville? Oui. Quelle est cette fin? Elle a épousé Mylord. Mylord? Dit gravement Baccarat. Avait toujours la manie des héritages. Madame de Saint-Alphonse se prit à rire. Et puis, dit Baccarat, mon prince est en Russie. Depuis longtemps, depuis un mois. Reviendra-t-il? Pardienne, ne suis-je pas là? C'est juste. Et j'oubliais que tu es un fier aimant. Un aimant a remplacé avantageusement la pierre qui tient en équilibre le tombeau de Mahomet. Seulement, objecta Baccarat, au lieu d'attirer les gens vers le pôle, tu en fais revenir. Bravo! Ah, ça, boussole de mon cœur, poursuivit Baccarat, ton prince aurait-il un ami? Veux-tu que je te présente un petit brouillard des environs d'Odessa? Nous le rencontrerons au bois, je suis sûr. Mais on t'attend, je crois. Ah oui, dit Baccarat, dont la voix sut revêtir une nuance d'émotion. Qui est cela? Un homme vertueux, il doit être au salon. Tu vas voir comme je vais poser avec lui. Et Baccarat ajouta, descends au salon et tiens-lui compagnie. Sans attendre la réponse de Madame de Saint-Alphonse, Baccarat ferma le placard. Le baronnet Sir Williams, qui n'avait pas perdu un mot de cette conversation, n'entendit plus rien alors. Bah, dit Baccarat, et envoie-moi la petite que tu as vue. Ah oui, la petite, eh bien, chut, je te conterai cela en voiture. Madame de Saint-Alphonse sortit, et deux minutes après, tandis qu'elle rejoignait le baronnet Sir Williams au boudoir, Sarah, qu'elle avait prévenue, entrait dans le cabinet de toilette. Quelques secondes avaient suffi pour faire subir une révolution complète à la physionomie et à l'attitude de Baccarat. Le sourire impie s'était abaissé vers le sol. La courtisane avait fait place à Madame Charmet. Et Madame Charmet était grave, pensive, et elle allait tenter une expérience nouvelle pour arriver à connaître la vérité. La petite fille entra. « Assieds-toi là, Sarah, » dit-elle, et Baccarat la regarda fixement pendant quelques minutes, lui posant sa main sur le front. « Dors, » dit-elle, et l'enfant essaya vainement de lutter contre la puissance du magnétiseur. Elle ferma les yeux et s'endormit. « Dors-tu ? » interrogea Baccarat. « Oui, » répondit la somnambule. « Peux-tu voir à travers les murs ?»« Oui, » dit l'enfant. « Regarde alors. » Et Baccarat étendit la main vers le mur qui séparait le cabinet de toilette du boudoir dans lequel Andrea attendait en compagnie de Madame de Saint-Alphonse. « Que vois-tu » continua-t-elle. « Oh, un beau salon !» dit l'enfant. « Comment est-il ? » ?»« Les murs sont bleus, les meubles aussi. » Et puis, l'enfant parut hésiter. « Tiens, il y a quelqu'un. » « Dans ce salon ?»« Oui. » « Est-ce un homme ?»« Oui. » répondit l'enfant qui obéissait si bien à la pensée secrète de son magnétiseur qu'elle ne voyait que celui à qui Baccarat songeait et n'apercevait point Madame de Saint-Alphonse. « Regarde-le bien, le reconnais-tu ? » ?»« Oh oui, c'est lui !» Et Sarah prononça ce mot avec un sentiment de terreur. « Qui, lui ? » ?»« Le vieux monsieur, celui qui me regarde avec des yeux qui me font peur. » Baccarat prit la carte de Monsieur André Tissot et la mit dans la main de la juive. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-elle. « C'est à lui. » Et l'enfant frissonna. « Peux-tu lire de l'âme de cet homme ? Peux-tu savoir ce qu'il pense ?»« Je ne vois pas bien, » répondit Sarah. « Mais il pense de vilaines choses. » « Me hait-il à mort ? » ?»« Y a-t-il quelqu'un qui l'haïsse plus encore ?» La somnambule hésita longtemps, s'agita sur son siège. « Oui, oui, » dit-elle tout à coup. « Je vois un homme grand, brun. » « Armand, » pensa Baccarat. Et elle ajouta tout haut, « Pense-t-il à moi ? Non. » « À cet homme grand et brun ? Non. » « À qui pense-t-il donc ? À moi, » dit l'enfant dont un tremblement convulsif parcourait tout le corps.